Chers amis, si. Si je vous. Spécial si je vous ai bien compris. À Daniel Marcoux. Si je vous ai bien qui, compris. À chaque semaine, place vous êtes dans en train de dire à la prochaine fois. C'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Bonsoir. Est-ce que vous... Ça commence pas mal, hein? Non, mais déjà, je vous dis bonsoir. Je suis un garçon poli. Ça va bien? Tout le monde va bien? Vous êtes prêts à 120 minutes d'incohérence? J'ai voulu ça part mal, là. On dirait que le garçon d'honneur sans la déshonneur, la démesure, sans la démesure, ben oui. À sentir la démesure, on ne mesure plus le résultat. Oh, ça, c'était pas... c'est quand même bien, ça. Puis comme... Je sais pas si c'est le 28 qui me rend rock and roll, parce que là, j'ai comme des pulsions rock and roll. Puis j'aimerais faire brasser, j'aimerais faire brasser ma structure rénaldienne. Pas dans deux semaines. Pas demain. Maintenant! Power! veux pas être le frère des Blancs. Je ne veux pas le frère des Blancs. Pardon, je veux quoi? Je veux des sentiers dans mon ruisseau. Comment ça? OK. Je veux des sentiers dans mon ruisseau et des studios dans les guépards. C'est beau, le pop. C'est beau, c'est commercial, le pop. Je veux être le frère des Blancs. Pas leur beau frère, Martin Luther King. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Martin Luther King, extrait du journal Wall Street Journal, 13 novembre 1962. Si la mort physique est le prix à payer pour libérer mes frères blancs d'une mort spirituelle irrévocable, rien ne peut être alors plus rédempteur. Martin Luther King, Why We Can't Wait. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Martin Luther King, extrait du discours à Détroit, le 23 juin 1963. Tout le monde peut être important, car tout le monde peut servir à quelque chose. Martin Luther King. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure... On va enlever l'écho, hein? ça tue un peu le... M'entendez-vous mieux? Attends, Oh, on dirait que... Oh! Un problème d'élasticité au niveau du bouton, madame! Faudrait voir... Est-ce qu'il y a un technicien dans la salle? Le bouton! Je crois que l'élasticité... Ou beaucoup plus le ressort. C'est plus le ressort que l'élasticité. La laïcité! Ouais! Vive la laïcité! Mais moi, c'est pas... On appelle... OK. Non, mais c'est vous le connaisseur? Vous avez une formation? Avez-vous des diplômes? Montrez-moi ça, ces petits diplômes-là. Montrez-moi ça, ces petits diplômes-là, là. Crachez-moi ça noir sur blanc. My technicien en sonorisation. Oui. Un mois d'études. Êtes-vous capable de changer un ressort, vous, là? Parce que je vous dis, là, c'est l'élasticité, je le reconnais. Non, je l'ai dit depuis le début, ça fait 20 ans, je dis ça, l'élasticité. J'aime ça, ce mot-là, l'élasticité. Parce qu'il y a cité qui se dit cité. C'est le fun, cité. Faites à la maison, là, dites-le ensemble. On va le dire ensemble, OK? Je le sais, il est 9:10, c'est pas grave. Nous sommes vendredi. Surtout le 28 juillet. On peut le dire sticité dans le sens d'élasticité pour avoir du plaisir, là. De quoi je vais avoir l'air au bureau demain? Mais au bureau demain, ils ne sauront pas. J'ai toujours dit... On écoute Rinaldienne. Errance Rinaldienne. Pourquoi t'as pas dit on écoute Errance Rinaldienne? Ben, ça vient de la psyché, là. J'interrogerai pas ma psyché en direct. J'ai pas l'air intelligent. Je l'ai mentionné il y a quelques émissions. Quand je réfléchis en direct, je suis pas intelligent. J'ai dit Rinaldienne. C'est pas important. C'est l'émission. C'est le titre de l'émission. Mais j'ai oublié Errance. Mais. Toi, tu vas me chercher, toi. À chaque fois, tu viens me chercher. Tu viens me chercher dans le crémeux, là, de mes interstices. Non, pas de mes intestins. Non. J'en ai presque plus d'intestins. Ah, non, j'ai un petit tuyau. Tu finis. Ça fait des petites flûtes. En tout cas, ça, c'est ma vie privée. Hein? C'est mon corps. Mon corps, c'est mon corps. C'est pas un corps d'olive. C'est pas un corps sacré. Eh mon doux, sacré corps. Non, j'ai dit sacré corps, pas sacré cœur. Mon cœur est sacré. Il est considéré comme, bien sûr, un muscle charmant. Plus que charmant, il te fait vivre. Ah oui, il me fait. C'est vrai, mon cœur me fait vivre puis je le paye pas. Tout le monde ici, là, vous m'écoutez, votre cœur vous fait vivre puis vous le payez pas. La gratuité, ça existe. Si vous vivez, c'est grâce à votre cœur. Pas de cœur, pas de vie. Quand tu le payes, à quel moment tu payes ton cœur? Moi, c'est le 14 février. Les cœurs, j'en donne à tout le monde. Ben non, c'est pas ces cœurs-là, c'est ton cœur, celui qui te fait vivre. Là, le... Et mon Dieu, t'as le cœur qui. Ouais, moi, je sais pas, c'est pas. Moi, j'ai le cœur vibratoire. Pas... Non, vibratoire. Moi, toi, c'est toi, je sais. Vibratoire, conservatoire, séchoir, asseoir, noir. Ouais, mais c'est ta caractéristique. C'est ta façon d'être. C'est ce qui te fait la spécificité que tu es. Le talking, on revient à le talking. Tout le monde peut être important, car tout le monde peut servir à quelque chose. On l'a dit, mais sans écho, c'est quand même. Puis une dernière de mon ami Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre ensemble, comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble, comme des idiots. Quand même, c'est beau. Ça n'a pas été écrit par... Non, je donnerai pas de nom. Ben non. Parce que tout créateur rejoint un public. Qui suis-je, moi, pour dire que Harlequin... C'est un écrivain, Harlequin? Non, c'est une maison d'édition. En tout cas, Harlequin... Si ça fait rêver, tant mieux. On est ici aussi pour rêver, pas juste pour calculer, pour essayer d'arriver, pour pouvoir faire plaisir, mais lire. Pour lire. C'est comme compter pour compter, hein? C'est comme chanter pour chanter. C'est comme laver pour laver. C'est comme créer pour créer. Hein? C'est comme ça. Si ça te fait du bien, continue. Ça, on appelle ça, là, entre nous, là, des plaisirs. Des plaisirs pas démodés, là. On a plaisir. Le plaisir démodé d'une nouvelle à la mode. Hein? Non, d'une nouvelle vague à la mode, OK. Les plaisirs démodés d'une nouvelle vague à la mode. Oh, lueur psychédélique au cœur et décorant. Non, il n'y a pas de musicien, hein? Non, on peut-tu la refaire? Non. Le public a aussi souffert de même. Les tympans de Josiane, la belle Josiane qui s'est fait percer les oreilles hier, elle souffre encore le martyr. Je l'entends crier parce que on lui a offert, en fait, c'est sa copine, sa colocataire, parce qu'elle s'est fait... Et elle lui a donné des boucles d'oreilles venant de Tunisie, tissées par des chanteurs texans du Nouveau-Brunswick. C'est unique, là. Nouveau-Brunswick. Hein? Boucle d'oreille. Hein? Elle est comme Bernard Lavillier. Bernard Lavillier, ce qu'il faisait dans les années 90, il se promenait dans le monde, trouvait des musiciens, faisait des enregistrements de chaque partition musicale. Exemple, il y avait un trompettiste au Brésil. Il disait, on va aller dans un studio, on va aller dans ta chambre, on va aller n'importe où, on va rester là, puis tu vas jouer la partition de ma chanson, puis un peu partout dans le monde. Puis on regroupait ça à Paris dans un studio professionnel et ça donnait une chanson incroyable. Ils ont fait ça avec le bijou, les deux bijoux. Non, c'est pas mes deux bijoux à moi. Personnellement, moi, ça a été tissé dans la bedaine, puis non, ben, ça, non, avant même, ça a été giclé dans tout, puis je suis venu, mais... Ouais, puis je vous raconterai pas, peut-être on vous l'a déjà... Je vous l'ai déjà... Ben voyons, je suis un grand livre ouvert, hein? C'est presque gênant, madame... Oh! Êtes-vous gêné, vous, dans la vie? Puis qu'est-ce qui vous gêne? Madame, pas de gêne, là. Il y a rien qui la gêne, elle. Madame Podjane, là, tu lui parles de n'importe quel sujet, elle ne rougira pas. Et si elle rougit, c'est le soleil qui le fera. Mais pas ses propos, pas ce qu'elle va entendre. Oh, elle est prête à tout, elle. Ça, là, c'est comme un tank. Je sais pas si on peut faire exploser ça, un tank, là. Mais c'est dur en Simon Tank. C'est pas si évident que ça. Donc, il y a peut-être un petit coin d'elle qu'on peut déstabiliser, mais il faut la connaître en s'il vous plaît. Peut-être c'est l'histoire d'une vie. Peut-être même c'est juste à la toute dernière seconde de son existence que... Mais pendant tout ce temps-là, elle est inébranlable. C'est bien. Moi, écoute, c'est l'histoire d'une vie. D'une quête. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Right now, I'm up here, you know. Call off a kid for the girl them every year. Knock him off in chocolate, he must have new car appliance. Oh, na na na. Watch and know. Oh, na na na. Now, girly, girly, Mr. Appliance, girly, girly, chocolate. We come from around the country. Now, girly, girly, Mr. Appliance, girly, girly, chocolate. We come from around the country. Sure, you know. Darling, the love you give is sweet. Real. Baby, your loving is the sweetest. Yes. Special request. The loving that you give, darling, baby, is the sweetest. Yeah. What about the next man? Oh, man, your love is the sweetest. And the lip on my lip, oh, man, your loving is the sweetest. Watch yes. Out. I know the size of your body and the effect from it, girl. Jump around, cause your physical fit. I know the looks of your body, yeah, how you carry it, hear me. Tell the world that you're energetic, so girl, whine. Hear me, and girl, you're bubbling a line. Listen, whine. Hear me, bubble up and feel your waistline. Hiya! Sweet, oh man, the love you give is sweet. I show you. Darling, the love you give is sweet. Baby, your loving is a sweet. sugar request. Only you alone can kiss my girl, I love your caress. Stay sweeter and sweeter, cause you are the best. Only business, man. Yes, my ball out sweet. Baby, the love you give is sweet. Real. Oh man, the love you give is sweet. Darling, your loving is the sweetest. Watch me now. It's a big fat girl love maga man. All the maga man love the big fat girl. It's a big body girl love slim body man. The slim body man love the big body girl. So girl, wine, wine, wine. Are your body in a line? Mr. Wine, wine, wine. Cause you have the good waistline. I know the size of your body and the effect from it. Tell the world, say you're energetic. I know the looks of your body and how you carry it. Tell the world, say you're physical fit. Come on, wine, wine, wine. Mm. Call your body in a line. They say wine, wine, wine. Oh, girl, you want the good waistline. Sweet. Oh, man, the love you give is sweet. Hear that? Darling, the love you give is sweet. Better believe it, sugar, you know. Your loving is the nicest. Like yes, a sugar. It is the best. Only you alone can kiss my girl out of your caress. Stay sweeter and sweeter, cause you are the best. Yes, my heart again sweet. I'm a honey. Oh man, the love you give is sweet. A sugar, you know. Baby, the love you give is sweet. Real. Darling, your loving is the sweetest. Watch me ride on. Now girly, girly, Mr. Players, girly, girly, chatter. Do a bit together around the country. Girly, girly, Mr. Players, girly, girly, chakadi. The two of it together around the party. Oh, you know the size of your body and the effect from it. Jump around, girl, your physical fit. I know the looks of your body, your own. C'est ça de la musique. Du début jusqu'à la fin, c'était de la musique. Toute influence Érance Rinaldienne est dans toutes les stratosphères musicales. C'est merveilleux. Pas d'arrêt. Ouais, ben, oui, il y a des choses que je diffuserai jamais. Vous voulez savoir quoi? Vous savez, la musique rap contemporaine, là, où tu vois ces chanteurs avec des manteaux de fourrure blanc, là, puis ça m'intéresse pas du tout. D'autres choses, mais parce que j'ai vu ça au réseau américain récemment. J'ai dit, quelle horreur pour la musique. Ça donne toutes les symboliques néfastes de la musique. Le côté visuel méprisant. Là. Puis sinon, ben on a. Si vous voulez savoir ce qu'il a joué là, pendant les trois dernières chansons, ben, la première, vous la connaissez. La deuxième, peut-être pas. Puis la troisième, ben, je peux vous dire, c'est français, états-unien, québécois. Pas pire. Et maintenant, on m'a demandé, parce que, écoute, on m'en demande des choses, là. Il y a des gens qui ont mon numéro de téléphone et qui savent à quel moment je fais ces interstices sonores d'errance rinaldienne. Et on m'appelle. Skype en est un, mais le téléphone traditionnel également. Donc, si vous voulez être VIP, écrivez-moi, je vais vous donner le numéro de téléphone. Je ne lance pas ça à tout le monde, là, parce que c'est mon numéro privé, mais bon. Donc, parce que ce soir, on m'a dit que c'était l'anniversaire. En ce 28 juillet, de Noémie Lachance. Noémie Lachance vient de fête. Actuellement, c'est 18 ans. Ils sont à l'île d'Orléans. Mais là, ben, ce qu'ils m'ont demandé de faire, ça commence à dessouffler. Fait que, il doit y avoir un trou là-dedans. Là. Hein? Donc, elle veut entendre ma chanson que je fais à la sphère de latex gonflable, gonflable, communément appelé ballon au Québec. C'est pas un condom, c'est vraiment un ballon, là, un ballon de fête. Là, et je sais jouer de la balloune. Donc, on dit une balloune. C'est une sphère de latex gonflable. Mais je vais la regonfler, madame. Puisque sinon, notre invité fêté n'entendra pas tout à fait la chanson escomptée. Quoique, je sais même pas ce qui va arriver. Oh! On y va. Okay. Vous êtes à Errance Rinaldienne. Puis, pour mes deux belles invitées, je m'excuse infiniment de ce qui se passera par la suite. Puis même de ce qui s'est passé avant. Il y a un trou, ça se dégonfle tout seul. OK, on va arrêter de se dégonfler et on y va! Tu entends le chant de ta voix. Voici la chute. Moi, j'ai adoré la chute, là. Je te donnerais un 15 sur 10 là-dessus, là. J'ai comme senti quelque chose de brichien m'envahir le cortex cérébral. Oui, cérébral. Depuis le début. Ben, faut pas le mentionner trop souvent parce que ça en est gênant, là. Ce qui s'est passé, là, c'est non-orthodoxe. Ça, c'est bien comme mot. Non-orthodoxe. L'orthodoxie. Connaissez-vous l'orthodoxie, madame? Oh, mon Dieu! Là, on rentre dans les infinités contemporaines. Contemporaines? Pas si contemporain que ça, hein, l'orthodoxie. Voyons donc. Oui. Je fouille dans mon livre intellectuel que l'on appelle matière grise. Dans mon cas, c'est pas très gris, hein? Parce que, ben, en fait, ce que j'ai, comme tout le reste de mon existence, j'ai voulu ne pas être comme l'autre. Donc, quand on dit la matière grise, moi, j'ai peinturé tout ça. Le grenier, je me suis imaginé tout d'abord que ça ne pouvait pas rester comme ça. Comme c'est flamboyant, moi, ce que j'imagine, faudrait mettre une couleur qui frappe dedans. Qui frappe dedans quoi? Qui frappe dedans la couleur. Et quand tu frappes dedans la couleur, tu frappes dedans les idées. Et quand tu frappes dedans les idées, tu frappes dedans les concepts. Et quand tu frappes dedans les concepts, tu frappes dedans la création. Je te la refais pas, celle-là. Là. C'était unique. Applaudissez l'orthodoxie, mais ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, la couleur la plus représentative de tout ça, de mon cortex, la matière grise, c'est le... On va enlever le E. Parce que je... Oui. Non, mais il y a des gens qui construisent ici. Fait que j'écris le. Est-ce que vous pouvez trancher le? Ah, oh, c'est pas de la répressée, ça, c'est... Ah, ben non, c'est de l'érable. De l'érable du Québec. Ça, c'est de la belle pitoune, moi, que j'ai choisie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a de la pitoune dans le... Écoute, moi, là, selon moi, là, les érables se retrouvent toujours les plus belles. Les plus beaux troncs, les plus belles feuilles, parce que moi, je regarde les feuilles avant. C'est les feuilles qui me font descendre vers le tronc. Si les feuilles m'excitent, le tronc va me permettre de le couper puis de me rejoindre aux feuilles qui m'ont excité. C'est important, ça. Il faut que tu te fasses toi-même une stimulation. S'il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas rien, là. Ça fait que le tronc, ça n'a rien à voir avec Jacques. Jacques, il a fait son temps, il a fait sa vie, c'est bravo. Il fait ses succès, il ne fait plus rien, mais il fait son argent là-dessus, puis tant mieux. Hein? Au Québec, il y a Robert Charlebois. Bon, il y en a partout comme ça, là. Hey, au Sri Lanka, il y a Mahawe Mahahaha. Mahawe Mahahaha. Vous voulez que je le répète? Mahawe Mahahaha. Lui, là, il a fait un disque de 20 chansons. Ces 20 chansons-là, excusez-moi si je... ces 20 chansons-là ont eu 20 succès. Puis quand ils font les grands succès de ce chanteur, ils rééditent tout le temps le même disque, mais en changeant la pochette. Puis en changeant, bien sûr, l'emplacement des chansons. Puis bon, après ça, on peut parler de remastering, hein? On redigitalise le truc, on remet au goût du jour, hein? En DVD, audio, puis peu importe. Mais ça a été un seul album. Il n'est pas millionnaire. Il n'y a même plus d'argent qui rentre dans aucune de ses banques dans son pays. C'est lui qui fait vivre son pays. Il n'est même pas considéré comme les Beatles de là-bas. Il n'est même pas considéré comme les Rolling Stones de là-bas. Il est considéré comme un dieu, le dieu. Quoique les Rolling Stones puis tout le monde, c'est Dieu. Mais lui, un dieu, le dieu. Là, vous aimeriez entendre une chanson, hein? Oh, le public! Vous l'avez... Non. Excitez-vous pas. Restez calme. Il n'y en aura pas de chanson ce soir de ce grand interprète. Auteur, compositeur, interprète. Puis c'est lui aussi qui faisait ses mélodies. C'est rare, ça. Un homme orchestre. Puis il n'y en a pas tant que ça au Québec. Il n'y en a pas tant que ça en Amérique. Il n'y en a pas tant que ça en Europe. Il n'y en a pas tant que ça dans le monde. Il y a presque juste lui. Ça, c'est rassurant quand tu dis « il y a presque juste lui ». Parce que dans le « presque », on ne sait pas. Hein, tu laisses miroiter. Ben oui, je ne peux pas dire « il y a juste lui ». Je ne connais pas tous les chanteurs, tous les groupes. Envoyez-moi vos CD. Vous voulez savoir l'adresse? Envoyez-moi un courriel. Hey, monsieur, tu vas en avoir des courriels à lire, toi, là. À chaque émission, Tu nous envoies à t'envoyer, tu nous diriges vers vers ton cyber-personnage. Ben oui, mais c'est ça, je le disais la semaine dernière, c'est une interrelation. Donc, je vous parle, vous me parlez. Vous me parlez pas en direct, mais vous me parlez à travers ce que vous allez me mentionner dans vos courriels. C'est presque touchant ce que tu viens de dire là. Ben, j'espère de toucher quelqu'un, là. right, so I'm being foolish. Well, all right, let people know about the dreams and wishes you wish in the night when lights so low. Well, all right, well, all right, we will live and love with all our might. Well, all right, well, all right, our lifetime love will be all right. So I'm going steady. It's alright when people say that those foolish kids can be ready for the love that comes away. Well, alright, well, alright, we will live in love with all our might. Well, alright, well, alright, our lifetime love will be alright. Non mais, et pour plein de trucs comme ça, elle a une vraie la justice elle effectivement. Qu'elle, non non, qu'elle, puis en plus elle a ouais, son elle a une force. Elle a un vrai caractère. Et c'est intéressant, mais en même temps peut-être que le fait de travailler avec des femmes, il n'y a pas ce côté-là, c'est l'homme va essayer de te séduire, l'homme va essayer de c'est et c'est ça que tu veux pas, c'est non, ça, non, c'est on, ça. On voilà. Plus, voilà. Plus, c'est exactement ça, c'est fou parce que la séduction justement j'ai été dans la séduction tout ça et c'est vrai que c'est plus une chose qui m'intéresse en fait et c'est vrai que d'être avec un homme il y a aussi cette barrière là, c'est vrai la séduction et puis le gars aussi vous avez la fille va essayer d'être plus gentil, d'essayer de l'amadouer puis... Après, je ben sais oui, c'est ben vrai oui, que ça c'est malheureusement ou heureusement c'est le feedback, c'est oui, oui, c'est toi que tu essaies d'être gentil parce que oh oui, c'est un garçon donc sinon il va s'imaginer que et... Tandis que les femmes, on enlève ça, il n'y a plus de barrière. C'est vrai qu'il n'y a plus de barrière, on est d'égal à égal. Mais après, avec un homme, on devrait l'être aussi. Mais non, mais il y a toujours. Non, il reste encore le côté flirt, le côté sexuel. Tu ne peux pas travailler avec un gars comme tu travailles avec une fille. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est ambiant. Après, bon, après, il y a des hommes. Ça, plus ça, plus ça. Il y a des hommes. C'est vrai qu'il y a ça. Ou si tu prends des comédies homosexuelles ou des. Ça, c'est autre chose. Ouais, moi, j'ai travaillé avec des homosexuels. C'est ça. J'adore aussi. Ouais, oui, c'est ça, tu te fais pas emmerder. C'est comme les filles qui sortent avec des homosexuels. C'est des sortes qui sont pas mais là, je fais mon analyse. Et en fait, je me rendais pas compte, mais c'est vrai que je dois avoir ça, de me dire que. Ouais, mais. Parce les que hommes, tu dois pas te faire emmerder par cette femme. Certainement. Il y a peut-être de ça. Je pense que c'est ça, augmenter sa compagnie, c'est ça. C'est pas se faire emmerder, puis arrêter de devoir se justifier. C'est un métier très compliqué pour ça, parce qu'il faut justifier énormément, beaucoup, tout le temps. Tout le temps. Oui. Et par rapport. Je suis désolée, parce que je. Par rapport aux relations, par rapport aux hommes, les femmes, au théâtre, machin, de dire il y a des hommes qui sont vraiment ingrats en France encore aujourd'hui, parce qu'une nana va avoir annoncé qu'elle est enceinte de 4 mois et donc du coup elle va se faire virer, parce que vraiment on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a encore beaucoup. Ça je sais, parce que moi j'ai les noms, les listes via un collectif, donc il y a quand même des mecs qui ne se gênent pas. Et puis. Effectivement, il y a parfois, alors il y a un homme qui est là, qui met en scène, machin, et puis il y a toujours ce truc où la nana, elle doit un peu être gentille, fermer un peu sa gueule, parce qu'effectivement, si elle l'ouvre un peu, ça ne plaît pas trop, pas qu'elle fasse trop de propositions, parce que c'est quand même un peu moi le chef, et nanana. Et voilà, il y a quand même énormément ça encore au théâtre, ou au cinéma, il y a encore ça un peu, c'est-à-dire la nana, et celle qui l'ouvre un peu, et encore aujourd'hui en 2016, elle bosse quand même vachement moins que les autres. Et moi, j'en ai rencontré des comédiennes comme ça, Elisabeth Vitali, ce genre de femmes qui l'ont un peu ouvert à un moment donné. Elle bosse moins, elle bosse vraiment moins, beaucoup moins, parce que ça plaît pas, quoi. Et pourquoi t'as dit ça, et pourquoi faut faire ça, tu peux dire que tout est beau et que tout est rose, et donc jamais s'imposer. Donc c'est un peu. C'est, mais c'est vrai qu'on a encore un une espèce de. Un peu ça. Ouais, les femmes sont vues encore comme ça. Et c'est vrai que moi, je trouve ça très agréable d'être dirigée par des femmes. Et depuis quelques années, je ne suis dirigée que par des femmes. Et mon Dieu, c'est agréable. Est-ce que tu te diriges toi-même? Non. Moi, je ne mets pas. Alors, moi j'anime des. Parce que t'es trop difficile envers toi-même? Je sais pas, je me sens terriblement, pour le coup, directrice de compagnie, et j'aime m'entourer, et j'aime, directrice artistique, on va dire, j'aime proposer des choses et faire que ça va un jour prendre vie, et je suis terriblement comédienne encore, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre là, et c'est vrai que la mise en scène, bon, l'écriture non pas du tout, vraiment pas, mais la mise en scène, je le pratique un peu auprès d'un atelier, j'anime un atelier de théâtre auprès des amateurs de l'hôpital de Foch de Suresnes, c'est des personnels administratifs, des infirmières, donc au monde c'est des gens qui travaillent. Voilà, c'est des gens qui travaillent, donc c'est vraiment une autre approche avec les amateurs, mais je mets en scène des amateurs. Mais pourquoi ces gens-là? C'est parce qu'ils veulent se divertir, ils veulent aussi rentrer en communion autrement que par le travail. Ils ont besoin, c'est un garde-fou, c'est quelque chose de... Mais ils travaillent auprès des gens qui souffrent de maladies mentales ou... Non, pas certains, moi j'ai trois infirmières, donc certains travaillent... maladie de peau ou alors grève d'organes, enfin des choses très dures, vraiment chez les greffés. Ils m'apportent beaucoup ces gens-là, moi c'est fabuleux. Et ce qui est intéressant après, c'est de se voir ailleurs au travail. Exactement, et puis de se montrer, de montrer autre chose. De se révéler au travail. Complètement, et se révéler c'est le mot, franchement, oui. Et puis d'apporter aussi un divertissement auprès de ce personnel. Ouais. C'est fou parce que ça fait c'est une récréation. Parce qu'ils s'y attendent pas et tu vois l'infirmière qui joue un rôle, tu dis, c'est autrement. C'est complètement ça. Tu enlèves les statues, Mais oui, il y a certains médecins, je suis grand chirurgien, grand ponte. Ouais. Sylvie, mais je pensais pas, t'étais capable de. Mais c'est étonnant. Tu vas te sentir fière d'avoir fait. Oui, on est très fiers de ce travail-là. Je les aime, ces gens-là. Ça fait 4 ans que je suis avec. Et on a créé notre petite famille. Vraiment, c'est fabuleux ce qui m'apporte. Moi, c'est autre chose. Moi, je ne connais pas ce milieu-là. Moi, je suis dans le milieu artistique. Et tu ne veux pas le connaître en plus, tu ne veux pas être malade. Non, je ne veux pas être malade. Je déteste les hôpitaux et je travaille dans un hôpital toutes les semaines. Ah, oui, mais je suis un peu phobique et ça m'a un peu guéri. Mais est-ce que tu vas, lorsque tu joues avec elle, parce que tu existes des ailes ou il y a des hommes et femmes? Il y a un homme. Ok, homosexuel. Je me demande. Parce que dans le milieu hospitalier, il y en a beaucoup au Québec. Mais on ne fait pas de montage. C'est possible. Okay. En fait, il est très discret sur sa vie, mais c'est vrai qu'il est très fin, très féminin. Voilà. Et en même temps, ça veut rien dire. Albin Galassimon disait de lui, et ça, j'ai trouvé ça intéressant lorsque je l'ai rencontré. Il dit, encore aujourd'hui, je suis on me dit homosexuel, donc je suis... un homosexuel hétéro. Ben oui. Il y en a plein comme ça, c'est fou comment on peut cataloguer les gens. Et Albin de la Simone, super artiste. Ah, oui, exceptionnel que j'ai rencontré. Moi aussi j'adore. Ah oui. Qui a fait une copine, tournée, non mais... Son ancienne copine, Jean Chéral, il était incroyable, madame. Oui. Et j'en parlais à... non pas l'artiste avant, mais l'autre avant, d'une chanson qu'elle a écrite, parce que... La deuxième artiste que j'ai rencontrée avant vous, elle travaille plus sur la musique et le côté sexe de la musique. Okay? Elle écrit, puis bon, c'est Julia Pacom. Je sais pas si tu veux la connaître. Est-ce que c'est la famille à Maria Pacom? Non, on l'appelle La Pacom. La Pacom. C'est incroyable, parce que nous, on n'en a qu'une ici, c'est Maria Pacom. Oui, non, non, oui, non, ça n'a rien à voir. Et puis, elle a fait son premier album qui s'appelle Nu, et aujourd'hui, elle a fait... Mystère, docteur mystère. D'accord. Et donc, et je lui disais, parce que on peut rapidement, si tu travailles ou si tu amènes des sujets comme la sexualité, on peut l'apprendre comme une femme facile. Et c'est de là l'intérêt. Est-ce qu'on te propose des choses et on s'imagine que tu vas coucher avec n'importe quel homme? Elle dit, ben oui, puis il y a une chanson de Jeanne Chéral qui dit, elle fait dire à son personnage non, elle ne veut pas rentrer en liaison sexuelle avec cette personne-là. Et puis elle essaie de couper le lien en lui disant directement parce qu'il ne comprenait pas autrement. Avant de dire non, je veux pas, mais tu mets sur table quelques synonymes peut-être gentils. Puis quand tu vois que ça fonctionne pas, ben non, je veux pas. Tu sors le couteau. Mais voilà un cliché encore. Une nana qui écrit des textes un peu sexuels ou sur le sexe, machin, sera. Ça, c'est un cliché. Oui, oui. Enfin, en tout cas, c'est. Sûrement que cette nana, elle a. Non, pas forcément. Exactement. D'ailleurs, je pense pas, parce qu'à partir du moment où elle écrit quelque chose. Je dis pas que tous les auteurs sont hyper intelligents. Il y a des chanteuses de merde qui écrivent des chansons de merde avec machin. Et ça joue à la voilà. Et elles sont pas forcément plus faciles ou pas, mais non. Ceci dit, c'est ça, c'est vraiment un cliché. Par voilà, ouais, justement, ouais. On vient au féminisme. Mais on dit que ça, c'est cliché. Hein. Mais complètement. Et ça, nous, on aime bien les casser. Parce que franchement, c'est vrai que, tout compte fait, moi, le mot féminisme, allez, je le prends pour moi, parce que franchement. Mais c'est vrai, oui. Mais parce que, en fait, après, c'est parce que nous, on a tellement mis de choses sur ce mot-là. Après, c'est. Voilà, on l'a complètement. Ouais, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et c'est super qu'on, tout le monde, qu'on puisse s'exprimer sur ces choses-là. Parce qu'en tant que femme, et même dans la rue, c'est vrai qu'on est encore considéré comme un objet de consommation. Ou autre. Et moi, ça m'exaspère. Et c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de femmes se masculiniser aussi. Parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Ici, on a obligé. C'est pas facile d'être une femme, je trouve. Et un homme non plus. Mais en plus, on est dans une société machiste. Mais ouais. Le fait que lorsque tu mets au monde un enfant, déjà là, tu veux savoir le sexe pour placer la chambre selon le contexte. Si c'est une fille, c'est rose, c'est épouvantable. À chaque tête, son chapeau. Et au chapeau, la drôle de tête que ça nous fait, c'est bien plus beau. Avec un chapeau sur la tête, à chaque tête son chapeau. Et au chapeau, la drôle de tête que ça nous fait, c'est bien plus beau. Avec un chapeau, c'est plus chouette. Chapeau melon, tout beau, tout rond, quand la vie est comme un bonbon. Chapeau pointu, turlututu, quand le malheur nous tombe dessus. Chapeau de paille, quand l'amour s'enflamme et ne dure qu'un jour. Chapeau de cow-boy, chapeau les mains, avec moi tu ne crains plus rien. La la la la la la la la la la la la la la la la. À chaque tête son chapeau, et au chapeau la drôle de tête que ça nous fait, c'est bien plus beau. Avec un chapeau sur la tête, à chaque tête son chapeau, et au chapeau la drôle de tête que ça nous fait, c'est bien plus beau. Avec un chapeau, c'est plus chouette. Chapeau haute forme vitaminé pour bien commencer la journée. Et chapeau cloche, quand c'est trop moche, qu'on aimerait bien tout changer. 1, 2, 3, abracadabra, chapeau magique, je suis plus là. Chapeau de lapin m'a remplacé, chapeau l'artiste, ça a marché. La, la la la la, la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la, la la la la, la la la la. Chapeau de chambre pour la nuit, au cas où y ait un petit souci. Et chapeau rond pour les Bretons, quand ils dansent tous en rond. La mère Michel n'a pas de peau, car elle a perdu son chapeau. Perlus tu cru, a répondu, tu peux toujours t'asseoir dessus. La, la la la la, la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la, la la la la, la la la la. À chaque tête son chapeau, et au chapeau la drôle de tête que ça nous fait, c'est bien plus beau. Avec un chapeau sur la tête, à chaque tête son chapeau, et au chapeau la drôle de tête que ça nous fait, c'est bien plus beau. Avec un chapeau, c'est plus chouette. Chapeau de pêche sur le crâne, quand y a plus de poils sur le caillou. Chapeau de fête ou chapeau d'âne, la beauté se cache en dessous. Chapeau rouge pour jouer aux Indiens, chapeau de bête pour des vides croquettes. Dans la nature, chapeau lupin, je n'aime que toi. Chapeau chinois. La, la la la la, la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la. La la la la, la la la la. Épouvantable, déjà les parents. Ça change un peu, ça, je pense. Ça commence un tout petit peu à changer. Parce que les générations d'avant ont tendance toujours à acheter pour les petits garçons des petites layettes bleues pour les filles, machin. Ça change un peu parce qu'il y a plus de choix, je dirais. Mais il y a encore ça, hein, beaucoup, hein, sur le garçon, la fille, la nanny, voilà, les couleurs, mais Ça, je pense que ça commence un peu à changer. Est-ce qu'une mère, un père va acheter un camion à une fille? Ah non, elle va devenir lesbienne. Bon, ça, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai, mais c'est fou, mais c'est ça, c'est facile, là. C'est facile, on dirait que moins tu as une formation éducationnelle, plus tu es prêt à des conneries semblables. Mais ouais. Si tu vas plus loin, si tu étudies davantage, tu vas être un peu mou. Tu ne seras pas attiré par ce genre de réflexion rapide-là. Mm. Parce que tu as une formation, donc au niveau universitaire ou même ailleurs, là, l'école de Lévis, c'est quelque chose. Là. Donc si tu es ouvert à d'autres chaînes que ce qu'on te propose, donc ça peut être intéressant. Et en même temps, ça peut être très facile hein, de juger quelqu'un et d'essayer de comprendre. Non, mais c'est sûr, non, mais il y a encore du travail. Hein. C'est sûr. Ah, oui, oui. Enfin, mais encore des... En 2016, on n'a pas trop évolué quand tu as non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Puis l'écriture et le jeu. Doit revendiquer ça, doit dire, mais écoutez, on sait ce qu'on est, mais on s'autorise pas encore aujourd'hui à s'y abandonner. Donc on revendique. Ouais. La revendication est importante pour vous deux. Mais complètement. Mm-hmm. Oui, on a cette chance-là de pouvoir s'exprimer, nous. D'avoir l'intelligence, d'avoir écoute, si on arrive à jouer dans la mairie du 7e de Tendora, mon cœur de Vintimans, on aura tout gagné. Pourquoi? Parce que le 7e, c'est vu comme étant... Non, mais parce que c'est la... J'ai repensé, j'en ai reparlé tout à l'heure à l'ami qui m'accompagnait. Ouais. La mairie, comédien, hein? qui est ouais, comédien, clown, photographe. Il est, ok, tout est azimut. Très doué. Très brillant, ouais, un créateur. Et il disait qu'on avait rencontré la mairie du 7e, et c'est Rachida Dati. Ouais, ouais. Et que je trouvais que voilà, et dans le côté revendication, enfin le fait de les femmes dans la résistance, machin, et que je me disais si on arrive quand même à jouer dans le 7e, on aura quand même gagné un truc de dingue, parce que je suis pas sûre qu'elle soit hyper ouverte à cette thématique, j'en sais rien, j'ai un peu suivi quand même son cursus et tout, mais il paraît qu'elle est très... qu'elle aime beaucoup les femmes, qu'elle est très féministe. J'espère. Donc du coup, je me dis, bon, bah, on verra. Ah oui, j'espère. Comme ça, elle nous aime. Ne jugeons pas trop vite. Elle placera le spectacle dans la semaine des droits de la femme. Nous, on attend ça. Voilà, voilà. Êtes-vous du genre à jamais lâcher le morceau? Quand vous frappez une porte, vous revenez constamment, un peu comme moi, je le fais quand je fais mes émissions. C'est pas parce que la personne a dit non qu'elle va dire non tout le temps. Ouais, non, on est comme ça, nous. On lâche pas. Bon, on a des périodes comme tout le monde, où au bout d'un moment, bon. Prendre des petites vacances, puis on y revient, quoi. Je vais faire pipi. Oh, oui. Je vais dire je vais continuer. non, oui, complètement, oui. Non, mais parce que pour deux temps dehors, de mon corps d'événement, en fait, rien n'est jamais acquis quand on monte un spectacle miracle. Brassens le chanter. C'est fou. Mais on le voit, on l'expérimente. Mais lorsque tu fais pour porte et ça se ferme à chaque fois, as-tu le goût de dire, mais va dans le chien. En fait, tu essaies de frapper à la porte, tu rentres par la fenêtre ou par la cheminée. En fait, c'est vraiment ça, parce que. Mais c'est vrai, on est assez tenace quand même. Et, il faut l'être, hein. On s'appelle, on prend des rendez-vous, on ne lâche pas le morceau. Il y a des gens qui sont là pour nous recevoir, des élus à la culture, des gens, ils nous reçoivent. Hein, parfois, il ne se passe rien, parfois, il se passe des choses. Et voilà, mais lorsque vous voulez que le message arrive à ces gens-là, de côté femme en toi, est-ce qu'il y a un rôle? Essaies-tu d'être charmeuse? Est-ce que tu veux charmer? Moi, oui. Okay. Isabelle, beaucoup moins. Isabelle, elle est moins dans la séduction, alors on se trouve tellement bien parce que moi, tu parlais de séduction tout à l'heure, et moi, c'est fou parce que j'ai encore beaucoup ça en moi. Et c'est vrai que... Quoi, la côté? J'ai encore ça, j'ai un sens où j'ai encore ça. J'essaye de casser ça, le côté séduction, mais je me sens très femme, évidemment, et dans le sens où c'est vrai que quand je rencontre un homme, c'est pas la même chose qu'une femme. Même, c'est vrai qu'un homme, je vais plus essayer, oui, de charmer, de jouer le petit côté femme fragile, enfin voilà, de ce que je dégage, certainement. Et oui, mais j'en suis consciente, c'est ça qui a changé. Et avant, j'en étais pas consciente. C'est ça qui est bien aussi, parce que ça démontre que tu as quand même eu un cheminement. Les gens qui s'en rendent pas compte, c'est le drame, c'est parce qu'ils n'ont pas encore fait de recherche ou ils n'ont pas. Mais c'est ça, exactement. On parlait de séduction et c'est vrai, je disais, moi j'ai encore ça et. Non, mais j'ai dit, lorsque tu frappes aux portes et que ça se ferme, et qu'à un moment donné, tu refrappes et qu'on joue, est-ce que tu joues de ton charme? Est-ce que tu prends ton côté féminin? Ouais, ça m'est arrivé quand même, ouais. Et puis, est-ce que ça fonctionne? Avec les, enfin, genre, entre. Ouais, je pense que ça fonctionnait déjà. Ils sont pratiquement sur mon voilà, on sent que c'est certains élus avec des gros sourires. C'est ça, mais est-ce que tu sens pas? Non. De dire, c'est pas mon idée qui a passé, mais c'est mon charme. Ouais, non, pas du tout. Non, je ne sens pas du tout. C'est pas que tous les moyens sont bons, mais il y a quand même. Parce que c'est pas grand chose par rapport à la culpabilité de certains élus. Ah oui, prendre, oui, les prendre les caisses. Pour évoluer, voilà. Pire, non, non, non, moi je me sens pas du tout. Okay. Non, parce que. Non. Alors tu te sens à l'aise avec le charme que tu peux dégager. Non, mais le pire c'est que je suis plus les gens sont hauts, plus je suis à l'aise moi. Ah oui. C'est-à-dire que plus. Je parce que la hiérarchie. Jean-Marc Ayrault, je suis allée à l'Elysée pour De temps d'horreur, rencontrer le conseiller. Enfin, plus les gens sont là, moins ça me fait peur moi. Donc, du coup, j'arrive avec ma petite mallette. En plus, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que quand on est sûr du projet qu'on amène, ouais. Oui, si on est un peu moins sûr déjà, là on fait. Parce que là, ils vont voir que t'es fébrile, donc que tu connais pas vraiment ton truc ou t'es pas certaine. Non, puis il y a des tactiques maintenant, il y a plein de méthodes. Ouais, hein, alors tu utilises ton charme. Il y a des trucs géniaux pour savoir. Oui. Pour réussir, parce que c'est pas facile, hein, parce qu'il y a des gens dans le milieu du spectacle, notamment bah, voilà, les décideurs, quoi. C'est un peu, parce que quand on rencontre, je sais pas, l'adjoint à la culture d'une grande municipalité, ou le maire d'une grande ville, ou je ne sais qui, quoi. Mais c'est super, parce qu'à force d'être parti sur les routes avec notamment De temps d'horreur, Mon cœur de vingt immense, c'est super d'arriver à un rendez-vous, de voir un élu qui est hyper qui accueille avec la main, machin. Puis moi je vais vous apprendre la vie, parce que bon, les artistes, c'est pas trop. Et puis du coup, on attend qu'il se passe quelque chose. Et puis l'élu à un moment donné fait bon, vous venez pourquoi? Bah pour le spectacle, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et en fait, quand on. La tactique géniale qui marche tout le temps, c'est retourner des questions à la personne et qui, à un moment donné, fait généralement, ils n'ont pas lu le dossier, ils n'ont pas regardé le DVD, et donc, du coup, ça... et là, c'est quand même assez jouissif de les regarder faire, et fait, ah, vous n'avez pas lu, bon, bah, écoutez, oui, alors, vous savez que ça parle, la pièce? Bah, non, vous ne savez pas, évidemment, donc... Et en général, ça joue plutôt en notre faveur, ça. Parce qu'après ça, toi, tu reprends la situation. Bien sûr, tu as des grands sourires, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Voilà, c'est pas grave. Non, mais c'est normal, vous avez tellement de choses à faire. Alors, sur leur bureau, ils ont un dossier comme ça et tout le reste est vide. Donc voilà. Non, mais c'est ça. Mais après, la séduction. Enfin, moi, j'ai jamais utilisé de mes charmes spécialement. Enfin, je suis jamais arrivée en me disant, voilà, je fais ça. C'est un mini-jeu, puis non. Mais lorsque vous avez joué, comme disait une chanson québécoise, vous êtes loadé comme un gun, c'est-à-dire que vous êtes chargé à bloc. Loadé comme un gun. Ah, souvent, hein. Ouais, souvent. Donc, comme ça, on peut pas se sentir. On peut pas dire non, puisque vous êtes prête. On est prête. C'est ça. Et c'est toute la difficulté de ce métier, en fait. Je pense, ce qui a été, moi, une de mes qualités, un de mes gros défauts, finalement. Dans le métier. Des fois, ça se bouge, hein? Notre qualité devient aussi un défaut. Ouais, mais parce que justement, le fait d'être au sein d'une compagnie, associée, défendre des spectacles, porter des projets, monter au créneau, les vendre, les nanana, ce qui fait qu'en tant que comédienne, ben, en fait, cette espèce de force et de maîtrise, c'est une espèce de maîtrise de soi quand même, d'arriver comme ça, assurer, machin. Moi, je dégage pas mal ça, hein, mais en fait, grâce à certains spectacles aussi, on a pu voir autre chose, mais c'est très dangereux. Après, de revenir à une espèce de vulnérabilité et de sensibilité ou de fragilité. Parce que du coup, on ne peut pas l'avoir dans ce métier. Quand on vient. Parce que ce n'est pas notre métier propre. Parce qu'il y a la fille qui est administratrice. C'est ça. Et il y a l'autre qui est comédien. Voilà. Et que du coup, bah, les gens. Ça m'est arrivé à un stage, moi, comme ça. Alors, c'est comme des genres de rôles que tu joues le rôle de l'administratrice. Un peu, on est un peu obligé, ouais. Ouais. Enfin, on ne peut pas arriver devant quelqu'un et faire oui, mais je sais pas de quoi. Après, il y a des tempéraments. Comme tu dis, il faut être loadé comme un gars. Après, il y a des tempéraments, hein, c'est sûr. Tout le monde ne peut pas faire des choses comme ça, mais on est quand même très nombreux. Hein, C'est une jungle. À devoir y aller. C'est une jungle. Ouais. C'est comme actuellement, le théâtre à. Voyons, tout le monde est parti là. On a parlé tout à l'heure, là. Et vous avez. Tu as écrit une pièce. Les Splendides. Voyons, ils sont partis là. Le théâtre est là actuellement. Atelier. Pardon? Une troupe? sont rendus là où la majorité. Là, au Festival d'Avignon. Oh, Avignon, ah, bon, sûr. Merci, Avignon. Ah, on a oublié que ça existait. Non, mais j'y vais 4 jours. C'est ça. Puis il y a eu une antipièce sur Avignon. Est-ce que c'est toi qui l'as écrit? Non, c'est pas toi qui l'as écrit, hein? Non, c'est pas une anti, c'est une. En fait, c'est un festival qui s'appelle. Qui est vieux, ça fait plus de 15-20 ans maintenant. Nous n'irons pas à Avignon. Ok. Et en fait, ça, c'est... Mais ça n'a rien à voir, c'est le festival off d'Avignon? Non, même pas, c'est okay, un. Ça se c'est pas c'est à un anti. C'est non, le ça se fait à Vitry-sur-Seine. C'est okay. Okay. Le contre-festival. Okay. C'est en fait. Super lieu. Puis c'est une ville. Vitry, c'est une ville engagée, de gauche, très. Bon, voilà, avec un passif, etc. Et puis, bah, les. C'est super d'ailleurs parce que c'est gare au théâtre, enfin, c'est l'ancienne gare de Vitry, tout a été reconçu pour le théâtre, donc c'est un super lieu, enfin c'est des super lieux. Et du coup ils en ont eu marre en fait de se dire mais attends, tout ne se passe pas à Avignon dans la vie, bordel, il y a aussi des gens, des artistes qui sont là, et aussi encore à Paris, en banlieue parisienne. Créons un contre-festival. Ah, c'est bon. Et d'année en année, ce festival il a pris. C'est dur d'y rentrer d'ailleurs. Ouais, okay. Moi j'étais assez contente parce qu'il y a une sélection quand même très. On est très nombreux. Et puis il y a une présélection, des choix, etc. machin. Et il y a un truc un peu politique là-dedans. Voilà, quand on fait nous n'irons pas à Avignon, il y a un côté un peu bon, voilà, on est content, on n'est pas allé à Avignon, quoi. Voilà, on a un peu, on a milité, quoi. Ah mais c'est bien aussi de militer et de croire à ce que. Et là, ce qui me plaît, là, c'est que j'ai 10 questions et vous êtes deux et je l'ai fait à quelques reprises à deux. C'est totalement intéressant. Alors là, je dirais pas qui va commencer. Ok. D'accord, je regarde ce qu'elle arrivait parce que j'allais chercher mon fils à l'école. Hein. Ah, mais tu me dis parce qu'on c'est peut faire ça rapidement. Ah non, j'en peux pas. Grâce, je l'oublie. Ah bon. Oh, non, non, je déconne. Il reste combien de temps? Non, ça va, j'ai 20 bonnes minutes encore. Ouais, ok, parfait. Okay. Si. Alors, je vais prendre la deuxième personne du singulier, ok? Et puis j'allais. Si tu étais un liquide, et je sais pas qui regarder, si tu étais un liquide. De l'eau. Ah, tout le monde va être de l'eau. Ah bah ouais. Ok, mais j'en bois pas assez, j'en bois pas assez. Ok. Alors, mais quelle sorte d'eau? Vous savez? Je dirais une eau pétillante corse. Ah corse? Pourquoi corse? J'aime parce bien que la ça corse. Pétille davantage. Hein? parce que l'eau, parce que la fosse, c'est pour ça qu'elle pétille davantage. Parce que l'eau, elle est non, elle est douce. Ça pétille, mais c'est doux. Tu aimes la corse? Et j'aime bien la corse. Pour le paysage? Pour le paysage, pour y avoir joué, pour avoir mon meilleur ami là-bas. Enfin, d'origine corse. Et toi? Ah, moi? Moi, je crois que moi, c'est pareil, ce serait de l'eau, parce que je sais pas, c'est l'eau de vie. L'eau de vie ou l'eau. L'eau, c'est la vie. Non, mais c'est pas de l'eau de vie. Non, l'eau, c'est la vie. Okay. Je sais pas, l'eau, parce que. J'aime la pluie. Moi, j'en bois beaucoup d'eau. L'eau du robinet ou si tu évites l'eau du robinet? Non, je n'évite pas l'eau du robinet, moi je suis pas trop. Enfin, ça dépend. Non. Je trouve qu'à Paris, c'est la meilleure eau. Après, on ouais, mais à Québec aussi, je trouve ça abominable les gens qui achètent des bouteilles d'eau. Non, moi j'achète la bouteille. On parlait du cycle de la vie et de l'écologie. Ouais. Ça brise plein de choses. Bien sûr. Juste les bouteilles de plastique, juste carrément. Non recyclables en plus, c'est même pas. Ben oui, tu peux mettre ça dans ton bac bleu. Nous, on appelle ça un bac bleu. Bac jaune. Vous, c'est jaune? Oui. Ah, ben il a jauni avec les années. Les plastiques et les. Si. Et là, je vais aller juste pour Marie-Hélène. Si tu étais une ville. Une ville? Oui. Voilà. Il y a tellement que je sais pas. Bah, c'est fou, hein, mais j'ai envie de dire Vancouver. Et c'est pas parce que tu es là. C'est parce que j'ai un super ami qui vit là-bas et qui poste sans arrêt, enfin voilà, sur Facebook. Des photos de cette ville. Aujourd'hui, j'en ai vu beaucoup et je trouve fabuleux cette ville parce qu'elle a tout. C'est une ville pour travailler, c'est une ville aussi pour se détendre. Je suis fascinée par cette ville. Je ne suis jamais allée et je rêve d'aller faire une tournée au Canada. Allons-y. J'arrête pas d'en parler. Au Québec, au Canada? Au Canada, au Québec. Les deux. Et okay. Puis parce que il y a aussi. Moi, je parle un peu anglais, mon ami est américain. Il parle un peu anglais. Ouais, il est californien, mais en fait, je. Il reste à Paris. Depuis 10 ans, il adore la France. Ah, c'est il adore bon. Paris. Okay. Et puis, moi, j'ai cet ami Terence qui est ancien directeur de la chambre du commerce, des métiers du commerce. Okay. Et qui, j'aimerais aller. Il y a la communauté francophone là-bas qui est très forte. Et j'adorerais pouvoir apporter nos spectacles là-bas. Tu sais que si je quitte Québec pour aller à Vancouver, c'est plus long que de venir à Paris. La distance en avion, c'est 8 heures Vancouver et c'est 6 heures ici. Ah ouais. C'est immense. Oui. Si tu étais une ville? Rome. Pourquoi Rome? Parce que je parle italien couramment. Ah oui? Que j'adore l'Italie. Et que Rome, j'adore cette ville parce que à chaque fois que j'y mets les pieds, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Si tu étais une langue, Isabelle? L'italien. Ok. Si tu étais. Non, mais c'est très cohérent. Si tu étais. On dirait que tu connais déjà les questions. Si tu étais une. Saline. Moi, ça serait le portugais. Enfin, brésilien. J'adore cette langue. J'adore la bossa nova. Donc, ça serait cette langue. Est-ce que tu danses beaucoup? Je danse pas beaucoup, je devrais danser davantage, mais je suis transportée dès que j'écoute de la bossa nova, c'est quelque chose de très... Tu danses, mais autrement que... Oui, okay. Je danse. Le corps s'exprime. Voilà. Si tu étais une époque, Isabelle? Je serais les années 50. Pour le côté vestimentaire et culturel? Aussi, pour et puis pour... Pour toutes les femmes qui ont marqué, pour l'élan qui a été l'après-guerre, j'ai envie de dire en fait. C'est l'après-guerre. Pour l'élan, la solidarité, l'entraide, l'envie de. Et rencontrer Chanel. Pour que tout fonctionne. Ouais, pas vraiment. Pour, ouais, et puis après, oui, vestimentaire, le look, le vintage, les. Puis je sais pas, il y avait quelque chose de plus simple. Ça bouillonnait. Je sais pas, il y a un truc ouais, qui me plaît bien dans ces années 50. Et toi, Marie? Moi, ce sera un peu plus tôt, ce sera les années 20 ou 30, les premières garçonnes. Ah oui? Ah ouais, moi j'ai adoré. Était une garçonne? Oui, une garçonne, à cette époque-là, ouais. Pourquoi? Portait le pantalon. Pour cacher ta féminité? Pour faire chier le monde. Pour fumer les cigarettes quand je veux dans la rue, pour voir. Tu veux Yann Till avec Barbara Streisand? Oui, je l'ai vu, bien sûr que j'ai vu quand elle se transforme en garçon. Ouais. C'est fabuleux, j'adore. Ouais. Magnifique ce film. Ouais. Ouais. Si tu étais un mot, Isabelle. Un mot? Oui. En plus, pour une dramaturge, une écrivaine. Avant d'en parler du mot, est-ce que tu. Isabelle, toujours. Est-ce que la féminisation des mots. Es-tu pour ou contre écrivain, poétesse? Parce que Brigitte Fontaine... Poétesse, oui. Oui. Lorsque Brigitte Fontaine... On lui a dit à Brigitte Fontaine sur France Inter, il y a 12 ans, qu'elle était une poétesse, elle a dit « Ah, ça, c'est des mots venus du Québec, les idiots qui n'arrêtent plus de franciser la langue et de nous emmerder avec leurs conneries. » Même si c'était avant ou après qu'elle ait pris de la coke. Non, parce que Brigitte Fontaine, moi j'adore Brigitte Fontaine, franchement. Okay. Brigitte Fontaine, moi je suis une grande fan, j'ai tous ses albums. Okay. Après, je suis sûre qu'au fond du fond, Brigitte Fontaine, elle est tout à fait. Je sais pas, je ne la connais pas. Mais quand j'écoute ses albums et quand je l'entends parler, je me dis que par moment elle doit être super pour la féminisation des. Je veux dire, c'est pas une auteure aussi, Brigitte Fontaine, attention, parce qu'elle est, elle a son mentor. Hein. Elle écrit avec quelqu'un, enfin elle écrit, elle chante, elle interprète, etc. Mais je suis sûre que... Elle écrit avec quelqu'un? Elle a son Areski qui oh, lui, c'est la musique. Qui écrit pour elle, mais non, il écrit... Mais c'est la musique. Oui, mais il compose pour elle, il y a comment... Ah oh, non, c'est elle qui écrit ses propres textes. Il y a quelqu'un qui écrit ses propres textes? Oui. Tout le monde a poussé pour elle. Elle a dit Palace, c'est la musique. Alors Palace, c'est un... Oui, à que la vie est belle, à que la vie est belle, c'est Palace. Laquelle? À que la vie est belle. Oui. Mais ça, c'est Dao qui est derrière. Ça, c'est oui, la... voilà. Mais ça, c'est la production. Mais l'écriture, c'était elle à 100%. Il n'y a que elle qui écrit. Je pensais pas. Je pensais qu'il y avait d'autres. Que des compositeurs. Oui, c'est la musique. Les voilà. Et donc, non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je crois que c'est bien d'avoir. Pas sur tous les mots. Il y a des trucs, je m'en fous complètement. Auteur avec un E ou pas avec un E, je m'en fous. Chef d'orchestre, c'est H. Non, mais je trouve que il y a des mots, je trouve ça important en fait. Parce que moi, le truc que j'ai écrit, j'ai dit auditeur, auditrice. Oui, mais ça existe en fait, ce mot, il existe en fait, dans la langue française. Auditeur, ça inclut les auditrices. Mm. Mais je préfère mettre les deux parce que c'est... les politiciens au Québec, surtout quand tu milites pour la séparation du Québec, tu essayes de féminiser tout ça. Mm. Québécois, québécoise. Ouais. Et... Je sais pas, moi je trouve ça assez joli, par exemple Madame le maire, il y a tout un truc avec le maire ou même les politiques à l'Assemblée nationale, tout ça, il y avait même Madame l'élu ou l'élu UEM. Chaque nuit, bébé, cherche et retrouve tendre livreuse, gentille patrouille, s'est soldé. Fin de l'hiver, passé, futur, imparfait. Fille de kermesse, beauté passive, geste agressive, soir tout donné, effleuré sans cesse, l'heure du goûter, passé, futur, imparfait. Étrange la nuit, on fait des rêves, d'éminents duels, accords de fou, étreinte si dense, crosse à l'appui, soir tout donné, baiser saldé, descendre de lit, passé futur imparfait. Chaque nuit, bébé, cherche et retrouve, tendre viré, acidulé, je survivrai à tes caresses, passé, futur, imparfait. Poisson d'avril, moi bisextile, soir tout donné, baiser soldé, rien que des amis, passé, futur, imparfait. Chaque nuit, bébé. RLMF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Dali. Direction la piscine, je ne peux pas y échapper. C'est bon pour ma santé, je vais devoir aller me tremper. Direction la piscine, le docteur m'a conseillé. Vous aurez bien meilleure mine, vous m'avez l'air déprimé. Sac à dos fluo, ma serviette et mes lunettes. Je suis sportif, je me la pète, ouais. Même si j'ai de la brioche et que mon moule pip est trop moche, je serai le roi du bassin, ouais. Je nage comme un dauphin, direction la piscine. Je ne peux pas y échapper, c'est bon pour ma santé. Je vais devoir aller me tremper. Direction la piscine, et le docteur m'a conseillé. Vous aurez bien meilleure mine, vous m'avez l'air déprimé. La bonne femme de l'accueil me regarde d'un mauvais œil. Elle me dit de son comptoir, bonnet de bain obligatoire. Mais comme je l'ai oublié, elle me tend des abusés. Un bonnet rose en latex, il ne me reste plus que du S. En direction la piscine, je ne peux pas y échapper. C'est bon pour ma santé, je vais devoir aller me tremper. Direction la piscine, le docteur m'a conseillé. Vous aurez bien meilleure mine, vous m'avez l'air déprimé. Alors je file me changer avant de réaliser, oh, qu'il y a des poils qui dépassent, du maillot de bain qui m'enlace. Trop tard pour reculer, il me reste plus qu'à passer la pâte aux joueurs souillée par le pipi d'écolier. Je n'ai plus très envie d'y aller. Ce n'est tout compte fait pas une très bonne idée. J'ai pas envie. Me voilà devant le grand bain, aussi pur que l'Atlantique. Dieu, si j'avais sous la main un flacon d'antiseptique, un pansement tout détrempé, fini par me décourager. Déjà que je me sens tout nu, alors si je me chope des verrues, là, ben, bon, bah, alors là, non. Je passe mon tour, ce n'était pas du tout une bonne idée, non. Là, là, là, faut pas aller se tremper, non. Là, là, là, quand on est déprimé. Là, là, là, faut pas aller se tremper, non. Là, là, là, quand on est déprimé, non. Là, là, là, faut pas aller se tremper, non. De ma journée, c'est que j'ai failli me noyer. C'est qu'faut surtout pas y aller, surtout si t'es déprimé. Et quand le docteur te conseille d'aller faire tremper tes orteils, surtout n'écoute pas cet idiot, fais-toi plutôt un bain chaud. That storm that was you. You down the mountain, hey. And then you saw the storm that came rolling into Babylon, and then you saw the storm that was you. You down the way up in the heavenly land. Well, my God said to the Holy Ghost, he said, come on and let's make man. C'est pas mal en fait de repositionner. Enfin, je pense que c'est un débat qui est pas très important aujourd'hui. Je pense que les gens s'en foutent un peu. La féminisation est pas importante. Mais pas. Enfin, je pense pas qu'il y ait besoin de. Donc c'est pour cacher autre chose tout ça, parce que je pense que c'est pas ça le fond du problème. Dire qu'une chef d'orchestre CHE2FE c'est mieux que CHEF, je ne suis pas sûre, c'est pas très très joli. Okay. En plus, par contre, en tout cas, qu'il y en ait plus de chefs d'orchestre féminines, ouais, ce serait vachement bien. Oui, c'est sûr. Voilà. Je trouve qu'on cache. C'est-à-dire que. Enfin, moi, j'avais fait une rencontre comme ça où on parlait de la place des femmes dans les milieux artistiques et on s'en foutait un peu de savoir que chef d'orchestre serait CHE2FE ou un chorégraphe, une chorégraphe. Oui, enfin, bien sûr, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit là, surtout. Oui, c'est un gentil débat. On veut rester avec la langue parce que c'est important. Selon moi, surtout au Québec, ici aussi, parce que, en tout cas, ça c'est une autre histoire, mais es-tu pour le fait que la langue française se modifie, que les discours se juxtaposent à cette idiotie intellectuelle de dire un cheval des chevals? Moi je suis hyper contre, mais moi je suis fille d'institut, hein, attention. Oui, c'est ça, c'est ça. Dans les années en plus. Ouais, mais de... alors si ton élève écrit des chevals, tu peux pas dire. Ça, je trouve ça dingue, la variabilité. Alors, c'est pas passé encore, hein, ce truc-là. C'est passé depuis longtemps. Non, des chevals. Ah non, non, non. Procure-toi le dictionnaire. Ah non, non, non, non. Non, non, non, on peut encore dire des chevals. Non, on peut faire les liaisons avec les haricots vagin, mais les chevals, ça n'existe pas, ça encore. Non, non, je te jure que non. Ah oui, t'es certaine, toi? Ah, j'en suis sûre, on dit pas, on peut pas dire des chevals. Ah non, mais c'est pas possible. Des chevals, des orignales au lieu de dire des orignaux, non, elle va bien. Des orignales au lieu de dire orignaux. Ça, je connais pas ce mot. Un orignal, c'est le cerf des bois. Ah oui, ah oui, d'accord. Que l'on chasse, oui, d'accord. Oui. Orignal, orignaux. Mais je suis pas sûre, non, mais okay. cheval, non, je suis pas sûre. Enfin, je demanderai éventuellement à la maîtresse de mon fils, là, qui est au CP, je vais lui poser la question, je t'enverrai un mail. Et oui, et tu me reviens avec ça. Moi, je dis que oui, c'est toi. Si tu étais une langue, Isabelle. Eh bien, l'italien. Italien, et toi? La langue? Ouais. Ah oui, on en a parlé, on l'a dit déjà, moi j'ai dit portugais. Oui, portugais. Moi j'ai parlé italien. On était rendu au mot. On était au mot. Isabelle, si tu étais un mot. Ah oui, c'est ça. Passeggiata. Passeggiata. Passeggiata. C'est une balade en italien. Ok. Okay. C'est joli. Et toi? Joli. C'est horrible comme question parce que. Oui, ça. Moi, ça élimine. Donc. Ah, mais je sais pas. Moi, j'ai. Ah, c'est affreux. Je sais pas. Je vais un mot tout bête. Le mot création, voilà, parce qu'on parle de ça, du théâtre. Et c'est vrai que la créer, c'est quelque chose de fou, quoi. Dans tous les sens. Mais ouais, parce que voilà, j'allais dire amour, mais allez, créer, c'est mieux. Créons l'amour. Si tu étais un aliment, Isabelle. Ça va. Une amande. Pourquoi? Arabe de chocolat? Non, une amande pure, sans sel, ni grillé, une brute. J'en bouffe 45 par jour. Là. Ok, et toi, moi je vais dire la noisette. Mais pas du Nutella, la noisette. Non, la vraie noisette, noisette. Moi aussi j'en mange énormément en quantité. Ok. Très très oréagineuse. Et as-tu un rapport intéressant avec le Nutella? Non, pas du tout, je déteste le Nutella, mais alors moi je suis... Anti-Nutella. Ah ouais, mais moi j'ai des combats. Ah oui, ben oui, écoute, je te comprends, oui. Et je suis et je les prône aussi, moi. Parfait. Si vous êtes, si tu étais une saison, Isabelle. Même si le printemps. La Renaissance. Mmh. Rinascimento. Pardon? Rinascimento. En italien. Oui, en gros, oui. Marie-Hélène. Moi, j'aime bien l'automne. Ouais. Pour la petite mort annoncée. Ouais, exactement, j'aime bien. Je suis née à l'automne. Oh. J'aime bien l'automne. Moi, ouais, j'aime bien. C'est... Bah, peut-être qu'on ira se boire un coup un jour. Je sais pas pourquoi. Oh, je saurais pas expliquer, c'est trop long. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'arrive quand même. As-tu hâte de te retrouver à l'automne de ta vie? Est-ce que j'ai quoi? As-tu en fait, c'est fou parce que je évidemment je suis encore une jeunesse, mais c'est vrai que je vois aussi des femmes qui sont à l'automne de leur vie, certaines femmes, et qui se sont débarrassées. Du coup, tu me regardes, non? Non, parce que je suis beaucoup plus jeune que moi, Isabelle. Mais parce qu'elles se sont débarrassées de tellement de choses, j'ai l'impression qu'elles profitent tellement plus de la vie, et moi j'ai encore des trucs à prouver, machin. Okay. Et l'automne, ouais, c'est vrai qu'il y a ce parallèle-là est très pertinent. Ouais. Ça m'arrive quelquefois. J'ai envie de souvent. Si tu étais un membre corporel d'Isabelle, la main, pour écrire, pour... On coupe la main, c'est la catastrophe. Oui, oui. Et toi? Pareil, parce que Isabelle écrit, mais moi j'aime dessiner, alors c'est quelque chose, ça c'est aussi un... Et je m'y remets de plus en plus, et donc non, ça c'est pas possible, ça. Mais ouais, ma main droite, j'y tiens beaucoup. Est-ce que tu connais la chanson « La main gauche »? Je t'ai pris de la main gauche. C'est un texte de la main gauche, c'est Beaupassant, ça? Non, c'est une chanteuse française. Non, la main gauche, Brésilien. Pardon, le texte. La main gauche, c'est où mon passant de Brésilien. C'est une pièce de théâtre, en fait. Ok, non, mais moi, c'est une chanson qu'une chanteuse française et sachant qu'elle allait mourir d'un cancer à 29 ans. Ah. Très belle chanson, mais ça plombe. Bah ouais, Et c'est beau. Il y a une réalisatrice québécoise, mais qui est française, qui s'appelle... elle a fait Anne Tristère, en fait. Est-ce que vous connaissez un peu ce cinéma? Non. Léa Poul, est-ce que vous la connaissez? Ça me parle. Léa Poul, c'est française. Ça me parle. P-O-O-L, Léa Poul. Poul, ouais, ça me parle. Ah oui, c'est tellement quelque chose. Elle a fait cette chanson-là dans un cinéma, c'est incroyable, c'est française. Si vous étiez un moment de la journée, Isabelle. Moi j'aime bien le matin de bonne heure, genre 7h30. Quoi. Alors tu es levée à 7h30. Ah oui. Alors tu as répondu à mon courriel de rendez-vous. Mais ouais, c'est parce que j'ai mon fils à emmener à l'école. Ah ouais, bah oui, mais sinon. Et sinon, grâce mat, c'est 8h. Oh. Je sais plus faire des grâce mat, j'adorais ça avant. Non, mais avant l'enfant. Long time ago. Avant l'enfant. Non, ça fait longtemps que j'en fais plus des grasses matin. Ah, oui. Longtemps. Et toi? Moi, je ne suis absolument pas du matin, je déteste me lever tôt. Je plutôt moi, à la fin de journée, quand tout commence à s'apaiser, qu'on a bien travaillé toute la journée. Et quand ça sent l'apéro. Ouais, exactement. Ah, ben, moi, j'adore. Tu sais que je pensais à ça également. L'apéro. Ouais, 18h. 18h. Si tu étais un autre individu, Marie-Hélène. Un autre individu? Oui. Cette question. Je rêve d'être un autre individu. Oui. Alors, oui. Tu as des comédiennes, le sens, tu vois. Mais bien sûr, je serais. Peu importe, quelqu'un de connu, pas connu, un autre individu. Kiki de Montparnasse, allez. Kiki de Montparnasse, qui a vécu dans les années 20, qui a vécu une vie insouciante jusqu'au bout. Ce personnage-là, très haut en couleur, hein, ça. Et toi, Isabelle? Alors là, la colle. Pas du tout. Je dirais. Ça peut être un de tes personnages. Ouais. Mais non. La picole. Non, la picole. La bimbo. Non, je dirais. Oh. Laura Morante. Toujours l'Italie. À Cristalli. Ah oui, toujours l'Italie. Ça sent le spaghetti. La spaghetti. Al dente. Je vais faire ça ce soir d'ailleurs à manger. Ouais. Pardon? Je vais faire des spaghettis ce soir. Mais sais-tu que moi, mon petit déjeuner, 6 fois par semaine, c'est du spaghetti. Eh ben c'est bien. Incroyable. Des sucres lents. Mais c'est minimaliste avec du jus de légumes. Ah, c'est bien. C'est pour ça que j'ai des légumes. Ouais, très bien le jus de légumes. Okay. C'est très sain pour, l'estomac. Mais moi, rarement je mange pour le côté bénéfique du truc. Je mange ça parce que j'aime ça. Et je me fous si ça sert à ci ou à ça. Je mange parce que j'aime ça. À choisir, c'est presque intéressant ce mes là à choisir. Et c'est intéressant, j'aimerais bien savoir aussi sur toi un peu d'où tu viens, pourquoi, toutes ces interviews, c'est génial. Non, je fais pas des entrevues, moi je fais des rencontres. Ah oui, c'est des rencontres, non parce mais c'est que super. J'ai pas une formation journalistique. Mais c'est super ça, je veux dire faire oui. Ça, c'est génial. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah. I don't know she's alright. I don't know she's alright. She's alright, she's alright. Oh yeah. Oh yeah. The other night, as I lay sleeping, oh, I dream I have you. Have you in my arms. Mistaken. Do you know that I hung my head and cried? Oh, you are my sunshine. My sunshine. Oh, my only sunshine. My question. Ah, merde. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin, Marie et moi? Attention, c'est the last question. Je fais le même chemin. Oh là là, mousse de merde. Je suis à 2 heures. Combien là, le café? Ouais, je suis à 2 heures. C'est pas obligé. Oui, oui, oui. C'est difficile de répondre à ça parce que... Parce que tu n'es pas morte. Et qu'est-ce que tu vas savoir? Non, mais est-ce que je ferai le même chemin? Ouais, mais... Je vais payer. Ça fait plaisir. Bah non. Et puis, bah, oui, je ferai le même chemin, oui, je me tromperai, oui, voilà, je ferai le même chemin. Parce que sinon, je m'en fiche, voilà. C'est pas grave, je sais très bien, avec tout ce qui m'est arrivé, comme, tout ce qui arrivé. Comme galère ou comme belle chose, okay. Je prends. Et toi, Isabelle? Oui, tout pareil. Sans aucun changement. Bah disons que créatif, après ça devient très compliqué dans le cœur de ma vie, hein. Et que s'il y avait du changement, je n'aurais pas cette vie là. Ah voilà, c'est ce que oui, mais c'est ce que j'aime entendre, voilà. Mmh. Donc je pense que si ma vie n'avait pas été celle-là, si le destin ne s'était pas mis à un moment donné sur mon chemin de cette façon-là, avec autant de comment dirais-je, vivacité, de violence par moment. Je dirais, enfin violence. Scène. Ouais, plus ou moins, mais oui. Énergie. Bah, de coups, je dirais. Okay. Mais pas des coups de prise de coups, coups durs. Oh, oui. Ma vie ne serait pas la même. On est rendu sur les coups durs. Ouais. Et finalement, j'aime plutôt bien cette ville. Parce que j'en sors bien. C'est bien. Bah, merci d'être passé à mon émission, les amis. Et puis. Comme on dit souvent, un mot qui a été oublié, c'est à la revoyure. À la revoyure, c'est marrant. Moi j'aime bien, moi j'utilise un parfum. Ah oui, à la revoyure, j'aime bien. Non, mais parce que ça, la main de tes amis, tu dis à la revoyure. Mais nous on l'utilise encore un peu, ça. Ah, c'est pas oublié, ça, à la revoyure. À la revoyure. Merveilleux, avec l'accent belge un petit peu quand même. Mais souvent, on me confond avec le belge à cause de l'accent. Oui, parce qu'il est pas trop. Pour marquer l'accent québécois. Bah, le mien n'est même pas trop. Un peu, mais. Bah, le mien n'est pas trop. Et c'est marrant, pour boucler la boucle, après je vais y aller aussi. Oui, oui, oui. Ce matin, j'ai vu une bande-annonce du nouveau film de Philippe Lioret. Oui. Qui se passe au Québec, je crois. Philippe qui? Lioret. Ok. Qui est un réalisateur. Oui. Voilà, sur les grands. Oui. D'un fils qui part à la rencontre de son père mort et qui rencontre ses deux frères, demi-frères. Exactement. Et c'est l'air très joli. C'est sur Facebook, voilà. La bande-annonce et je l'ai vu ce matin et. J'ai été invité à l'avant-première, mais j'ai pas pu parce que je suis ici. Voilà. Et combien de temps du coup ici? Toujours une semaine. Chaque fois, c'est une semaine. Et c'est toujours durant le même carcan, le premier jeudi du mois de. Bah, je pars de Québec le dernier jeudi du mois de juin et je quitte ici la deuxième semaine du mois de juillet. Donc, ça fait 8 jours. Et c'est toujours du. J'arrive le vendredi, je pars le jeudi, j'arrive le vendredi et je m'en vais le samedi, donc le samedi en deux. Et je fais à peu près 40 rencontres. Et bah, c'est chouette. Et après, ça donne quoi ces rencontres? Rien, j'aime ça. Non, c'est pas vrai. Je te donne mes bonnes idées. Non, mais en fait, j'anime une émission qui est. C'est la première radio associative francophone au monde qui a donné la place au Carbone 14. On est venu ici montrer comment ça fonctionnait. Je l'ai déjà dit. Mais non, justement, okay, c'est un parce peu que ce que je voulais savoir. Tout le monde, donc je m'imagine qu'avant la rencontre, je l'ai mais non, même pas du coup. Ok, bon. Alors, c'est KRL. Et la première radio associative francophone au monde, c'est-à-dire une radio libre. Et les Supernana, les lapins ont commencé grâce à nous, puisqu'on a montré notre expertise ici à Paris, en France. Et aujourd'hui, il reste la radio libertaire ici. Ah oui, la radio libertaire, oui. Donc, c'est nous qui, en 1974, avons commencé. Et l'intérêt est venu de la France, de la Suisse et de la Belgique. Donc, on s'est présenté ici pour vous proposer ce que nous on faisait et vous avez suivi le truc. Et donc, Carbone 14 était la première radio libertaire en France. Et suite à ça, ben, ça fait des petits-enfants et nous on existe depuis, comme je vous le disais, 74. Ouais. Et ici, ben, il y a des radios qui ferment et qui ouvrent, mais on perdure. Donc, mon émission, c'est une mission humoristique. Mais à travers ça, le plancher, c'est mes rencontres radiophoniques. C'est-à-dire que je propose des artistes tout azimuts. Chanteuse, hein, la chanteuse de sexe, il y a 2 années. autant que des gastronomes, Jean-Pierre Coffre que j'ai rencontré, il y a des gens que j'ai rencontré, Arthur H, j'ai rencontré... Oui, je pense à Higelin, tout à l'heure, quand je parle à Bougie de Fontaine, je pense à Jacques Higelin, voilà. Ben oui, c'était au début de leur carrière, tout à fait. Avant Aristide, ils étaient ensemble. Donc, Jacques Urbain, sa deuxième mère, c'est Bougie de Fontaine, donc, et on s'est... je rencontre des gens comme ça, je frappe aux portes, et il y a des portes qui sont plus difficiles, étrangement, c'est pas toujours les plus grands artistes qui sont venus ici. Pauline Croze, là, j'en rêve un coup, là, ça fait 3 ans, toujours me ramener. J'ai rencontré Jean Chirac, ça a été facile, Albert de Ressement, ça a été facile. Et Pauline Croze, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Très timide, Pauline Croze. Très, très timide. Oui, très timide, mais Jean Chirac, très, très, très timide aussi. Je suis timide. Je connais son attaché de presse. Ben, c'est ça, je vais dire Didier. Didier, j'ai tourné avec lui un spot de pub. Ben voilà, si tu peux c'est drôle, ben, carrément. Parce que je vais te dire ce qui va se passer. Là, je l'ai appelé. Ouais. Il n'a pas répondu. J'ai parlé à son répondeur. Et là, elle m'a réenvoyé un texte en me disant « Envoie-lui un courriel ». Et là, j'ai déjà envoyé un courriel il y a un an et demi. Je pense que c'est parce qu'elle a quelques difficultés avec son album et tout ça. Je pense que c'est compliqué. Ah, mais ça, ça me dérange pas, moi. Ouais, mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle l'a. Peut-être qu'elle n'ose pas. Moi, je la connais pas. J'ai fait du théâtre avec sa mère, Sylvana Croze, oui. Il y a très longtemps. Moi, j'adore son album, je l'ai encore. Mais oui, et puis moi, le premier album, j'ai trouvé formidable. Ah oui, mais qui a fait le tour, mais qui l'a Malassi, là. Oui. Putain, j'adore cette chanson, elle est magnifique. Enfin, moi, tous, c'est tout son album. Françoise Breuse, est-ce que tu connais? Non. Non, c'est une Suisse. Non. Florence Breuse. C'est bon. En tout cas, bref, il y a des gens avec qui j'ai des difficultés, mais des gros noms comme Arthur H, parce que pour moi, c'est un gros nom. Hein, 3 victoires gagnées. Super. Oui, puis c'est un homme qui se prend pas au sérieux et qui adore le Québec. Donc, ce qui m'aide aussi, c'est la carte du Québec. Un Québécois à Paris, c'est fou. Puis en même temps, c'est pas ma radio que j'amène ici. Je l'amène tout seul. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui paye mon voyage, c'est d'accord. Moi qui d'accord, oui. Donc et c'est moi qui fais les recherches et c'est moi qui fais les recherches sur les artistes lorsque j'arrive et c'est moi qui fais la planification des horaires donc c'est et je réalise, produis et mets en ondes une émission anarchiste et pamphlétaire. En fait, le plancher, c'est, comme je vous disais, mes rencontres et à travers ça, les 30 premières minutes, c'est mon improvisation qui est la locomotive de l'émission. Et ça peut être sur n'importe quoi, parce que c'est de l'absurde, mais de l'absurde, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est ça. Et on peut l'écouter ou pas cette émission? Oui, mais c'est ça, j'ai des cartes. Ah ben voilà, on va laisser. Et moi, il faut que je vous laisse après, par contre, parce que c'est un agréable moment. Moi, j'ai mon atelier à Foch. Je vais prendre des photos pour annoncer l'émission. Oh oui, non, arrête, mais non. Pour annoncer l'émission lorsque ce sera présenté, mais je ne sais pas à quel moment. Ok, alors d'accord. J'attends que toutes les merci. Que tous les enregistrements soient. Ouais. Mais moi j'avais entendu parler de toi, hein, vraiment. Ben, je sais tout le monde. Ben je sais, non, je ne savais pas, mais c'est parce que Aline, la clique est très petite. Lorsque tu frappes à une porte, ben, les autres, c'est un peu comme l'effet domino. Et moi, je fais mes recherches, je lance des bouteilles à la mer. Ouais. De la réception, il n'y en a pas. Mmh. Mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas que je vais arrêter d'en lancer. J'en lance tout le temps. À un moment donné, ils vont se fatiguer et ils vont dire oui. Ben, bien sûr. Moi, je m'approche de toi. Bon, on y va. Merci. Non, mais oui, juste vous deux, je vais passer avec moi. Avec ma grosse touffe de cheveux. OK, êtes-vous prêts? Oui. Parfait. Dernière pour. OK, et moi, et vous? Ah. Oui, mais tu vas voir comment ça. Pour le coup, en fait. Oui. Ok, alors je vais vous laisser. Il va. Mais on peut faire ça. Êtes-vous ok, il va. Ok. Tout le monde ensemble, est-ce que c'est bien cadré? Attendez, je vais regarder. Ah, c'est bien cadré, ok. Bravo! Okay. Ouais, mais c'est parce que c'est l'habitude. Hein. À moi, toujours les deux. Okay, non, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ok, on y va, dernière. Merci. Oui, excellent. Et je vous envoie le lien, vous en faites ce que vous voulez. Avec plaisir sur la compagnie de donc, et je vous envoie le lien aussi de l'émission avec le fait de vous montrer de quoi ça, tout ça a l'air lorsque je la mets à ma sauce. Eh bien, ça sera super. OK, ben, on verra après. Je ne sais pas si c'est super. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Ben, moi aussi. Merci, Rinald. Merci. Merci, mon ami. Merci, c'était super. well, I didn't know if I get lost, get lost, get lost, get lost, get lost, get lost, get lost, well, I didn't know if I get lost, get lost, lost in the Red Sea. Well, didn't know if I get lost, get lost, get lost, get lost, get lost, get lost, get lost, I didn't know if I get lost, get lost, lost in the Red Sea. Well, God spoke to Moses as a man cross the Red Sea. Said, Moses, go down to Egypt land, cross the Red Sea. Just take the rod that's in thy hand, yes, cross the Red Sea. Then preach to Pharaoh what I command, cross the Red Sea. Well, didn't know Pharaoh get lost, get lost, get lost, get lost, get lost, get lost. Well, didn't know Pharaoh get lost, get lost, lost in the Red Sea. Didn't know if I get lost, get lost, get lost, get lost, get lost. Well, didn't know if I get lost, get lost, lost in the Red Sea. When Moses went down in the Egypt land, across the Red Sea, he told old Pharaoh what God had commanded, across the Red Sea. My people's been suffering under his hands, across the Red Sea. Said, release my children out of Pharaoh's hand, across the Red Sea. Now didn't know Pharaoh get lost, get lost, get lost, get lost, get lost, get lost. Well, didn't know Pharaoh get lost, get lost, lost in the Red Sea. Now didn't know Pharaoh get lost, get lost, get lost, get lost, get lost, get lost. Well, didn't know Pharaoh get lost, get lost, lost in the Red Sea. He said to the children, this is God's command, cross the Red Sea. Now we'll all cross over in the promised land, cross the Red Sea. Well, the water wasn't making such a terrible sound, cross the Red Sea. Well, that's when Pharaoh's army got drowned, cross the Red Sea. Now didn't know Pharaoh get lost, get lost, get lost, get lost, get lost. Well, didn't know Pharaoh get lost, get lost, lost in the Red Sea. Now didn't know Pharaoh get lost, lost in the Red Sea. Mes chers amis, si, si je vous, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.